Comment la sagesse se rapporte-t-elle au désir? On parle beaucoup aujourd'hui, et on a raison certainement pour répondre à tous les malheurs du monde, on parle beaucoup de modérer nos désirs, on parle de sobriété, et l'on a raison. Qu'est-ce que c'est que la sobriété? La sobriété, c'est le fait de retenir ce qu'il y a de dangereux dans nos désirs quand ils n'ont pas de limite. Quand nous voulons boire sans modération, ben oui, nous disons il faut être un peu sobre, sinon ça devient dangereux. Quand nous voulons consommer sans limite pour assouvir des désirs qui eux-mêmes n'ont pas de limite et que par cela nous détruisons même les conditions de satisfaction de nos désirs, c'est-à-dire la planète. Oui, la sobriété, c'est la modération du désir. C'est le fait de modérer un désir qui peut-être a quelque chose d'intrinsèquement infini, indéfini et par là destructeur. C'est pourquoi la sagesse a de tout temps dans l'Antiquité, dans toutes les grandes civilisations, eu quelque chose à voir avec ce qu'on appelle la modération, la tempérance ou la sobriété. C'est l'une des relations de la sagesse au désir. Il y en a une plus radicale encore dans le rapport de la sagesse au désir qui consiste à annuler tout désir, à renoncer à tout désir. C'est par exemple la tentation bouddhiste et c'est aussi une autre possibilité consiste à réformer nos désirs, à changer de désir pour nous adapter à la nécessité. C'est le célèbre adage stoïcien repris par René Descartes au XVIIe siècle, plutôt changer nos désirs que l'ordre du monde. Il ne faut pas des désirs impossibles qui visent à changer le monde selon cet adage, mais plutôt changer nos désirs, adapter nos désirs à la situation concrète. Ce n'est pas la sobriété, puisqu'on n'est plus dans le même désir, mais une transformation radicale de soi. Et pourtant, il peut aussi y avoir un bon infini dans le désir. Nous avons raison de souhaiter la paix pour le monde entier, de souhaiter d'avoir quelque chose d'infini dans notre désir. Faut-il absolument modérer nos vœux ou nos désirs? Faut-il y renoncer? Faut-il les transformer? La sagesse doit aussi peut-être non pas parler du désir en général, mais distinguer entre les désirs, se permettre aussi des moments d'excès, par exemple. Même dans la sobriété, on ne peut pas être tout le temps sobre. L'ébriété est parfois compatible avec la sobriété. Avoir en tout cas distingué le bon infini du mauvais indéfini qui soit destructeur. La sagesse n'est donc pas seulement le refus du désir, mais la distinction entre les désirs et surtout la mise en œuvre des conditions pour la réalisation minimale des désirs légitimes de chacune et de chacun. L'erreur, c'est de croire à une sagesse purement individuel qui vise à régler ce qui serait la responsable de tous les maux, de tous les torts, c'est-à-dire ce désir infini en nous qui s'exprimerait dans des vœux irresponsables et irréalistes. Bien sûr, la sagesse passe toujours par une critique de soi-même, par une modération, par une tempérance, mais aussi inversement, par un partage des objets du désir, des conditions de leur réalisation. Modérons nos désirs, mais répondons un peu à ceux de tout le monde.